So yesterday I talked about walking meditation, two steps noting, lifting and dropping, three steps noting, lifting, forwarding and dropping. Hier, je vous ai parlé de la méditation en marche. Je vous ai expliqué comment on faisait deux notes à chaque pas, en notant lever, abaisser. Comment on faisait trois notes à chaque pas, lever, avancer, abaisser. Lorsqu'on pratique la marche, il faut toujours commencer par la première méthode qui consiste à noter le pas gauche et ensuite le pas droit. Nous allons ainsi générer notre attention petit à petit. Si nous procédons ainsi, progressivement, nous ne serons pas fatigués. La pratique sera aisée et naturelle. Mais si nous passons à la deuxième méthode ou à la troisième méthode, alors que la première n'est pas encore installée, ce sera très difficile de maintenir l'attention. Nous devons donc nous montrer patients, ne nous hâtons pas. Nous devons savoir qu'ici, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est être attentif. La méditation en marche est très importante. Elle va permettre d'atteindre une espèce de compréhension. Cette espèce de compréhension va se manifester progressivement. Le méditant va également réussir à réaliser le Dhamma. Et il est même possible d'atteindre l'illumination par la pratique de la marche attentive. Il faut donc s'efforcer de pratiquer la marche de façon respectueuse. Il ne s'agit pas de relaxer le corps après une heure de méditation en posture assise. Les yogis pourraient parfois penser que la marche sert à se reposer. Mais en fait, la méditation en marche est une méditation en propre. Le Bouddha lui-même nous le dit. Lorsqu'il marche, le yogi sait qu'il marche. Lorsque on regarde un yogi qui marche avec attention, on peut constater que tous ses mouvements sont lents et composés. S'il marche de cette façon, le yogi va très rapidement développer l'énergie, une énergie physique et une énergie mentale. Le Bouddha lui-même nous dit que la pratique de la marche attentive amène 5 bénéfices. Grâce à la marche attentive, il sera possible de parcourir de longues distances. On se sentira en bonne santé. On sera protégé contre les maladies. On digérera facilement. Et on développera une concentration de longue durée. C'est donc pour cette raison qu'il faut pratiquer la marche de façon respectueuse et parcourir la piste de long en large. Il faut essayer de le faire pendant toute l'heure. En posture assise, il est possible, si on a des sensations très désagréables et qu'on n'est plus capable de rester immobile, il est donc possible de changer de posture, même si ce n'est pas recommandé. Il ne faudrait pas que cela devienne une habitude. Mais en marche, il faut s'efforcer d'aller jusqu'au bout de l'heure. Si on pratique pendant toute l'heure, la confiance va se développer. Si nous avons confiance en nous, nous ne nous sentirons pas fatigués, nous n'allons pas nous ennuyer lorsque nous pratiquons la marche. On commence donc par faire une note à chaque pas. On observe de façon générale. L'observation n'est pas encore très détaillée. Progressivement, on va passer à la deuxième méthode qui consiste à faire deux notes, lever, abaisser. Ici, on observe de façon plus attentive pour voir le mouvement clairement. Mais ceci n'est pas une observation forcée. Cela dépend de votre saddha. Si votre saddha, votre confiance est développée, vous le ferez très naturellement. Vous allez petit à petit ralentir vos mouvements et vous passerez à la troisième méthode qui consiste à faire trois notes à chaque pas, lever, avancer, abaisser. Ici, vous ferez encore plus d'efforts pour être attentif en détail. Vous vous efforcez de voir l'entièreté du pas, lever, avancer, abaisser. Vous observez à fond avec précision. Lorsque l'esprit qui note est devenu puissant, vous verrez la succession des petits mouvements lorsque vous levez le pied, lorsque vous l'avancez et lorsque vous l'abaissez. Si vous voyez cette succession de petits mouvements, vous serez satisfait. Lorsque vous notez lever, avancer, abaisser, vous comprenez très clairement, tout simplement parce que votre conscience attentive est devenue très forte. Mais si la conscience attentive est faible, cette compréhension ne se manifestera pas. Lorsque il note donc lever, le méditant voit clairement la succession des petits mouvements. Il la voit également dans le mouvement d'avancement et dans le mouvement d'abaissement. Il voit cela parce que sa conscience attentive s'est développée. Cette compréhension se manifeste donc spontanément parce que l'attention est développée. Le méditant ne l'a pas recherchée. Lorsque la conscience attentive est devenue puissante et que le méditant note, chaque fois qu'il note, son esprit est pur. Il n'y a pas d'impureté qui pénètre dans son esprit. Ceci veut dire qu'il n'y a pas de désir, pas de colère, et comme il est capable de voir les mouvements très clairement, son esprit est pur, il est libre de l'ignorance également. Le Bouddha nous dit, l'esprit est pur et clair par nature. Ce sont les impuretés qui le souillent. Le yogi va donc pratiquer de façon diligente. Il va développer son attention de moment en moment. Lorsqu'il sera devenu très attentif, aucune impureté ne va plus le pénétrer. Il est possible alors qu'il expérimente certaines lumières qui émanent de son corps. Ces lumières sont très claires, très brillantes. Elles ne sont pas à comparer avec les lumières ordinaires. Son esprit est devenu très calme, très paisible. Avec un esprit calme et pur, le yogi peut voir très clairement la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Il voit très clairement que l'objet, c'est une chose, que la prise de conscience de cet objet, c'est autre chose. Ces deux choses sont des phénomènes séparés, un phénomène physique et un phénomène mental, et le yogi est capable de le voir très clairement. Lorsque la conscience attentive pénètre profondément dans l'objet, l'esprit va se sentir très léger. Il ne sera pas lourd. Un esprit est lourd à cause de qui il est sain. Mais lorsque l'attention est devenue pénétrante, le méditant est capable de pénétrer profondément dans l'objet. Il est absorbé dans l'objet. Il va alors également ressentir son corps comme très léger. Son corps est devenu si léger que le yogi a l'impression de marcher au-dessus du sol. Il flotte à la surface du sol. Il a l'impression de se déplacer dans l'air. Mais tout ceci ne peut être expérimenté que s'il n'y a plus aucune pensée dans l'esprit, plus aucune distraction, que le yogi est capable de maintenir son attention sans interruption à chaque pas. Et cette sensation de flotter à la surface du sol, de marcher dans l'air, sera très évidente et très claire. Lorsque vous notez lever, vous remarquez que le mouvement est très léger. Lorsque vous notez avancer, vous remarquez que ce mouvement est très léger également. Il est même possible que vous ayez l'impression que votre pied est devenu incontrôlable. Le mouvement se produit de lui-même et se passe très rapidement. Lorsque vous notez abaisser, vous observez ce mouvement et vous le comprenez très clairement. Tout ceci est dû à la force de l'attention. Au début, le yogi a besoin de beaucoup d'énergie physique et d'énergie mentale pour suivre les trois mouvements. Il a l'impression que la méditation est quelque chose de très fatigant. Et c'est vrai, au début, la méditation est très fatigante, car le méditant doit fournir un gros effort. Et c'est difficile. Si on se laisse distraire pendant la méditation, qu'on se repose, qu'on s'autorise à penser, alors oui, la méditation est quelque chose de facile. Mais si on pratique dans le but de réaliser Ariyamagga et Ariyaphala, la méditation est le travail le plus difficile qui soit. Extrêmement fatigant. Mais lorsque l'attention sera devenue très ferme, l'esprit du méditant va devenir très léger, très pur. Il n'y aura plus aucune kilesa dans son esprit. Son corps également va devenir très léger. Le méditant est capable de voir et de comprendre tous les mouvements qu'il effectue très facilement. Il peut ressentir la sensation de légèreté lorsque son pied s'élève. Il peut constater que le pied avance tout seul lorsqu'il l'avance. Et au moment où il abaisse le pied, il expérimente également toutes sortes de choses. À chaque pas qu'il fait, le yogi voit clairement l'intention. Il la voit très facilement, alors qu'au début, il a fallu qu'il s'entraîne à la voir. Le yogi détient dorénavant Sampajana, la claire compréhension. Le Bouddha a donc parlé de Atapa et de Satima, l'effort et l'attention. Lorsqu'il pratique la marche attentive, le méditant doit donc essayer de rester attentif pendant toute la durée du processus. Il observe attentivement le pas gauche et le pas droit et essaie de maintenir son esprit pendant toute la durée du processus. Et c'est la même chose lorsqu'il passe à la deuxième méthode et qu'il observe le fait de lever le pied puis de l'abaisser. Il essaie de maintenir son attention du début à la fin de ses mouvements. Lorsqu'il pratique la troisième méthode et qu'il fait donc trois notes à chaque pas, il essaie là aussi de maintenir son attention du début à la fin du mouvement d'élévation, du début à la fin du mouvement d'avancement et du début à la fin du mouvement d'abaissement. Notre devoir en tant que yogi, c'est de noter. Si nous sommes très attentifs et que nous maintenons cette attention pendant toute la durée du processus, nous verrons spontanément la légèreté ou la lourdeur lorsque nous levons le pied. Parfois, certains méditants expérimentent de la légèreté, d'autres vont expérimenter au contraire de la lourdeur, c'est variable. Au moment où nous avançons le pied, nous allons expérimenter spontanément le mouvement. Au moment où nous abaissons le pied, nous allons également expérimenter certaines choses, notamment lorsque le pied touche le sol, nous expérimenterons spontanément la dureté. Si nous sommes en mesure de voir tout cela clairement, nous ne penserons plus « c'est mon pied qui s'élève, c'est mon pied qui s'avance, c'est mon pied qui s'abaisse ». On expérimente directement les éléments à l'état pur. On ressent directement de la légèreté, sans penser que c'est mon pied qui est léger. On ressent de la douceur, on ressent de la dureté, etc. C'est pour cela que l'attention est si importante. Le Bouddha a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé des quatre éléments, il a parlé des cinq khandhas, il a parlé des 12 bases sensorielles. Dès que l'attention sera devenue puissante, le méditant sera en mesure de comprendre le Dhamma, de comprendre ses enseignements du Bouddha. Les yogis parlent surtout des sensations. Les sensations, en fait, ce sont les éléments. Il y a quatre éléments, Patavi Dhatu, Tejo Dhatu, Apo Dhatu et Vayu Dhatu. Patavi, c'est l'élément terre, Tejo, c'est l'élément feu, Apo, c'est l'élément eau et Vayu, c'est l'élément air. Dorénavant, nous parlerons donc des éléments. Avant de commencer à marcher, le méditant doit noter debout, debout. Il note la station debout avec beaucoup d'attention. Lorsqu'il observe donc la station debout, il doit essayer de ressentir le corps tout entier, des pieds à la tête. Si son attention est forte et qu'il réussit à la maintenir sur le corps, il est possible que le méditant ressente certaines sensations. Au niveau des pieds, par exemple, il est possible qu'il expérimente de la dureté. Mais il n'y aura pas de sensation qu'aux pieds. Il expérimentera la dureté, parfois, au niveau du sol lui-même. Il ressent le sol comme dur. S'il porte son attention sur les membres, il verra peut-être là aussi de la dureté, tout simplement parce qu'il y a des os dans les membres. Dans les mains, il va peut-être aussi expérimenter de la dureté, de la douceur, de la chaleur, de la fraîcheur. Tout cela est possible. Donc, lorsqu'on est la station debout, on n'observe pas seulement les pieds. Parfois, le méditant aura envie de se gratter parce qu'un insecte, par exemple, se trouve sur son visage. Il note alors attentivement « gratter, gratter ». Au moment où il note « gratter, gratter », il est possible qu'il expérimente là aussi de la dureté. Tout ceci ne sont que des exemples. Mais, quoi qu'il en soit, si nous sommes capables de noter la posture debout avec beaucoup d'attention, ces sensations vont nous apparaître spontanément. Dès que notre attention sera donc devenue très forte. Vous commencez donc à marcher sur la piste en faisant une note à chaque pas, pas gauche, pas droit, et vous essayez de le faire pendant toute l'heure. Dès que votre attention sera établie, À chaque pas que vous faites, il est possible que vous ressentiez des sensations comme de la légèreté du mouvement. Alors qu'au début, lorsque vous aviez beaucoup de pensées, il n'était pas possible d'observer tout cela. Maintenant, votre attention est établie et vous voyez donc clairement pendant toute la durée de la marche. Un yogi très énergique peut même ressentir de la chaleur dans la jambe, dans les mains. Il ressentira de la dureté dans certains endroits du corps. Il est possible de voir l'endroit exact où ces sensations se manifestent. Mais tout ceci n'est pas très important, cela va se manifester de soi-même. Ce qui par contre est très important, c'est de développer l'attention. Donc le yogi doit s'efforcer de pratiquer la marche de façon respectueuse. Il doit se choisir une piste qu'il parcourt de long en large. C'est très important. That's enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nirvana. Sadhu.